Chapitre 5e. Le point du jour commençait à blanchir les nuages lorsque les voyageurs s'arrêtèrent à une petite ville pour changer de chevaux. Théodore supplia Adeline de descendre pour se rafraîchir. Elle y consentit avec peine. Mais les gens de l'auberge n'étaient pas encore levés, et il se passa quelque temps avant que le postillon, en heurtant et en criant, vint à bout de les éveiller. Après avoir pris de légers rafraîchissements, Théodore et Adeline regagnèrent la voiture. Théodore s'abstenait, par délicatesse, de remettre pour le moment la conversation sur le seul objet qui pouvait l'intéresser. Après avoir montré quelques beautés du paysage sur la route et fait d'autres efforts pour soutenir la conversation, il retomba dans le silence. Son âme, quoique toujours agitée, était alors délivrée de l'appréhension qui l'avait longtemps accablée. Au premier regard qu'il reporta sur Adeline, ses charmes firent une profonde impression sur son âme. Il y avait dans sa beauté un sentiment que le cœur de Théodore avait reconnu d'abord et dont elle avait ensuite confirmé les effets par ses manières et sa conversation. La connaissance de l'abandon où elle était réduite et des dangers qui l'environnaient avait éveillé dans le cœur de Théodore la plus tendre pitié, avait aidé l'admiration à se changer en amour. On ne peut s'imaginer le tourment qu'il éprouva quand il fut forcé de la laisser exposée à ses dangers sans qu'il lui fût possible de l'en avertir. Pendant son séjour au régiment, son âme fut constamment en proie des terreurs qu'il ne se sentait en état de combattre qu'en revenant dans le voisinage de l'abbaye, où il pourrait être promptement informé des projets du marquis et apporté de seconder Adeline de son assistance. Il ne pouvait demander un congé sans dévoiler son secret dans le lieu où il craignait le plus d'en donner connaissance. Enfin, par une témérité généreuse qui, tout en bravant la loi, était pourtant inspirée par la vertu, il quitta secrètement son corps. Il avait observé la tactique du marquis avec une anxiété tremblante, jusqu'au soir qui devait décider du sort d'Adeline. Il excita toutes ses facultés pour agir et se plongea dans un flux et reflux d'espérance et de crainte, d'attente et d'horreur. Jamais, si ce n'est alors, il n'avait osé la croire hors de danger. La distance du château à laquelle ils étaient parvenus, sans se voir poursuivis de personne, mettait le comble à son espoir. Il était impossible qu'il fût assis à côté de sa chère Adeline, qu'il reçût les assurances de sa gratitude et de son estime, sans espérer un tendre retour. Il se félicitait d'être son libérateur, et lui peignait d'avance les scènes de bonheur qui l'attendaient, lorsqu'elle serait sous la protection de sa famille. Les nuances de la souffrance et de l'appréhension disparaissaient de son âme, et la laissait tout entière au rayon de la joie. Lorsqu'une ombre de crainte y revenait parfois, ou lorsqu'il se rappelait avec douleur dans quelles circonstances il avait abandonné son régiment établi sur la frontière, et dans un temps de guerre, il regardait Adeline, et ses traits charmants, par une prompte magie, faisaient rayonner la paix sur son cœur. Mais Adeline avait un sujet d'anxiété dont Théodore était exempt. La perspective de son avenir était enveloppée de doutes et d'obscurité. Elle allait encore solliciter les secours de personnes étrangères, s'exposer encore à l'incertitude de leur bonté. Elle se voyait réduite au désagrément de la dépendance ou à la difficulté de gagner une subsistance précaire. Ses anticipations altéraient la joie que lui donnait son évasion et l'attachement que les procédés et l'aveu de Théodore avaient manifesté. La délicatesse de sa conduite, en évitant de tirer avantage de la situation où elle était pour lui parler d'amour, augmentait son estime et flattait sa fierté. Adeline était plongée dans des réflexions de ce genre quand le postillon arrêta la voiture et, montrant une partie de la route qui descendait sur le flanc d'une colline, il dit qu'ils étaient poursuivis par plusieurs cavaliers. Théodore lui ordonna d'avancer avec toute la célérité possible et de se jeter hors de la grande route dans le premier chemin obscur qui se présenterait. Le postillon fit claquer son fouet et partit comme s'il y allait de sa vie. Cependant Théodore tâchait de ranimer Adeline. Elle succombait à sa terreur et croyait que si une fois elle échappait au marquis, elle n'aurait plus rien à redouter du sort. Ils entrèrent sur le champ dans un chemin bordé de haies et d'arbres élevés. Théodore regarda encore par la portière, mais les branches l'empêchèrent de voir assez loin pour s'assurer si l'on continuait de les poursuivre. Adeline tâchait de dissimuler son agitation. « Cette route, dit Théodore, nous conduira certainement à une ville ou à un village, et alors nous n'avons plus rien à craindre, car si mon bras ne suffit pas pour vous défendre contre les gens qui nous poursuivent, je ne doute point je ne parvienne à intéresser en votre faveur quelques-uns des habitants. » Adeline parut rassurée par l'espoir que lui donnait cette réflexion. Théodore regarda de nouveau derrière la voiture. Mais les détours du chemin bornaient ses regards et le bruit des roues l'empêchait de rien entendre. Il dit enfin au postillon d'arrêter, et ayant écouté attentivement, sans s'apercevoir d'aucun bruit de chevaux, il commença d'espérer qu'ils étaient hors de danger. « Savez-vous où mène ce chemin ? » dit-il. Le postillon répondit qu'il l'ignorait, mais qu'il voyait à travers les arbres des maisons à quelque distance, et que, probablement, cette route y conduisait. Ce fut pour Théodore une bien bonne annonce. Il regarda en dehors et aperçut les maisons. Le postillon avança. « Ne craignez rien, mon adorable Adeline, dit Théodore, vous êtes en sûreté. Je ne vous abandonnerai qu'avec la vie. » Adeline soupira, non pas pour elle seule, mais pour le danger que pouvait courir Théodore. Ils avaient continué de marcher ainsi pendant près d'une demi-heure, lorsqu'ils arrivèrent à un petit village. Bientôt après, ils descendirent à une auberge, la meilleure de l'endroit. Théodore, en aidant Adeline à descendre de la chaise, la conjura encore de dissiper ses craintes. Il lui parla avec une tendresse à laquelle elle ne put répondre que par un sourire qui cachait mal son inquiétude. Après avoir commandé des rafraîchissements, il sortit pour parler à l'aubergiste. Mais à peine avait-il quitté la chambre qu'Adeline vit entrer dans la cour une troupe de cavaliers. Elle ne douta plus que ce ne fussent les personnes qu'il avait voulu éviter. Deux d'entre eux seulement avaient le visage tourné de son côté, mais elle crut que la figure de l'un des autres ressemblait assez à celle du marquis. Elle fut glacée d'effroi. Sa raison l'abandonna pour quelques instants. Son premier mouvement fut de vouloir se cacher, mais pendant qu'elle en cherchait les moyens, l'un des cavaliers leva les yeux sur la fenêtre près de laquelle elle était. Il parla à ses compagnons, et ils entrèrent ensemble dans l'auberge. Adeline ne pouvait sortir de la chambre sans être aperçue. Seule et sans secours, il lui était presque aussi dangereux d'y rester. Elle parcourait la chambre dans une transe mortelle, tantôt appelant tout bas Théodore, tantôt s'étonnant de ce qu'il ne revenait pas. Par moments, sa souffrance était inexprimable. Soudain, un bruit tumultueux de voix s'éleva dans une partie éloignée de l'auberge, et elle distingua bientôt les paroles des gens qui se disputaient. « Je vous arrête, dit l'un d'eux, et vous ne sortirez d'ici que sous bonnet sur garde. » Le moment d'après, Adeline entendit la voix de Théodore qui répliquait. « Je ne prétends point résister aux ordres supérieurs, dit-il, et je vous donne ma parole d'honneur de ne point m'en aller sans vous. Mais ne m'empêchez pas de retourner dans cette chambre. J'y ai un ami à qui je veux dire un mot. » Ils se refusèrent d'abord à cette demande, ne la regardant que comme un prétexte pour avoir l'occasion de s'évader. Mais après beaucoup d'altercations et d'instances, ils y consentirent. Il s'élança vers la chambre où était demeurée Adeline. Un sergent et un caporal le suivirent jusqu'à la porte, et leurs deux fusiliers passèrent dans la cour de l'auberge pour observer les fenêtres de l'appartement. Il ouvrit la porte d'une main empressée, mais Adeline ne se hâta pas de venir à sa rencontre, car elle s'était presque évanouie au commencement de la rixe. Théodore appela fortement au secours, et la maîtresse de l'auberge parut bientôt avec sa boîte aux remèdes. Ils furent inutiles. Adeline demeura insensible et ne donnait des signes d'existence que par sa respiration. Le tourment de Théodore fut en même temps augmenté par la présence des gardes qui, riant de la découverte de son ami prétendu, déclarèrent qu'ils ne pouvaient attendre davantage. Aussitôt, ils voulurent l'arracher auprès du corps inanimé d'Adeline sur laquelle il était penché dans une angoisse indicible. Mais, se retournant en fureur, il tira son épée et jura qu'aucune puissance au monde ne le forcerait de sortir que la jeune personne eût repris connaissance. Les gardes, irrités par l'action et l'air déterminé de Théodore, s'avancèrent pour le saisir, mais il présenta la pointe de son épée et leur défendit d'approcher. L'un d'eux tira aussitôt son sabre. Théodore se tint en garde, mais sans avancer. « Je demande seulement à rester ici jusqu'à ce que cette dame soit revenue à elle, dit-il. Vous voyez l'alternative. » L'homme, déjà courroucé par la résistance de Théodore, prit la dernière partie de son discours pour une menace et résolut de ne pas céder. Il s'avança, et pendant que son camarade appelait les soldats qui étaient dans la cour, Théodore le blessa légèrement à l'épaule et reçut lui-même un coup de sabre sur la tête. Le sang jaillit à grands flots de la blessure. Théodore chancelle et tombe dans un fauteuil au même instant où le reste de la bande entrait dans la chambre et où Adeline rouvrait les yeux pour le voir couvert de sang et pâle comme la mort. Elle s'écria « Ils l'ont tué !» et elle retomba sur son siège. Au son de sa voix, il leva la tête et lui tendit la main en souriant. « Je ne suis pas beaucoup blessé, » dit-il d'une voix faible, « et je serai bientôt guéri, si vous l'êtes vous-même. » Elle courut à lui et lui tendit la main. « Ne peut-on avoir un chirurgien ? » dit-elle avec un regard douloureux. « Ne vous alarmez point, » dit Théodore, « je ne suis pas si mal que vous l'imaginez. » La chambre se remplit alors d'une foule de gens que le bruit de la rixe avait rassemblés. Dans le nombre était un homme qui faisait dans le village le métier de médecin, de chirurgien et d'apothicaire. Il était venu pour porter du secours à Théodore. Après avoir examiné la plaie, il s'abstint de dire son avis, mais il ordonna qu'on mît le malade au lit sur le champ. Les gardes s'y opposèrent, en alléguant qu'il était de leur devoir de le conduire au régiment. « Cela ne se peut pas sans un grand danger pour sa vie, » reprit le docteur, et « Oh, il s'agit bien de sa vie, » dit le sergent, « il faut que nous fassions notre devoir. » Adeline, qui jusqu'alors était demeurée dans une anxiété tremblante, ne put garder le silence plus longtemps. « Puisque le chirurgien, dit-elle, est d'avis que le blessé ne peut pas être transporté dans cet état sans mettre sa vie en péril, vous devez songer que s'il meurt, la vôtre pourra bien en répondre ?»« Oui, dit le chirurgien, qui n'était pas disposé à lâcher son malade. Je déclare, en présence de témoins, qu'il n'est pas en état d'être transporté. Vous ferez donc bien de prendre garde aux conséquences. Il a reçu une blessure très dangereuse qui exige le plus soigneux traitement, et le succès est même fort douteux. Mais s'il voyage, la fièvre pourra survenir, et alors la plaie serait mortelle. » Théodore écouta cette décision avec tranquillité, mais Adeline cachait mal l'angoisse de son cœur. Elle recueillit tout son courage pour retenir les larmes qui gonflaient ses yeux, et malgré l'envie qu'elle avait d'intéresser l'humanité des gardes ou de leur inspirer des craintes sur leur malheureux prisonnier, elle n'osait hasarder l'expression de ses sentiments. Elle fut soulagée de ce combat intérieur par la pitié des gens dont la chambre était remplie et qui, prenant hautement le parti de Théodore, déclarèrent que les gardes seraient coupables de meurtre s'ils l'emmenaient. « Eh, mais il faut toujours qu'il meure, » dit le sergent, « pour avoir quitté son poste et avoir tiré l'épée contre moi lorsque j'exécutais mes ordres. » Une faiblesse subite s'empara du cœur d'Adeline. Elle s'appuya contre le fauteuil de Théodore, qui, pour un moment, cessa de songer à lui-même pour ne s'inquiéter que d'elle. Il la soutint avec son bras, et s'efforçant de sourire, lui dit d'un ton si faible qu'à peine pouvait-elle l'entendre « On veut me noircir. » Mais lorsque l'affaire sera approfondie, elle s'arrangera sans aucune suite sérieuse. Adeline sentit que ces mots n'étaient prononcés que pour la rassurer. Elle n'y ajouta donc pas beaucoup de foi, bien que Théodore continuât de lui répéter des assurances du même genre. Cependant le peuple, dont la compassion avait été graduellement émue par la dureté du sergent, joignait alors l'indignation à la pitié, en considérant avec quelle barbarie on lui annonçait une punition qui paraissait inévitable. Bientôt la fureur devint si grande que d'une part, dans la crainte de suites plus sérieuses, et de l'autre, dans un mouvement de honte occasionné par le reproche de cruauté, le sergent accorda qu'on le mettrait au lit jusqu'à ce que son commandant lui eût donné de nouveaux ordres. La joie d'Adeline surmonta pour un instant le sentiment de ses malheurs et de sa situation. Elle attendit dans une chambre voisine l'avis du chirurgien qui s'occupait d'examiner la blessure. Quoiqu'en toute autre circonstance, cet accident l'eût profondément affligée. Elle en était alors d'autant plus pénétrée qu'elle s'en regardait comme la cause. À peine osait-elle s'arrêter à cette affreuse assertion que si Théodore se rétablissait, il serait puni de mort. Mais elle s'efforçait de croire que ce n'était qu'une cruelle exagération de la part de son adversaire. Le danger présent de Théodore, réuni à toutes les autres circonstances qui l'accompagnaient, éveilla toute sa tendresse et lui découvrit à elle-même le véritable état de ses affections. Les grâces, la figure noble et spirituelle et les manières engageantes qu'elle avait d'abord admirées dans Théodore avaient pris ensuite un nouvel intérêt par la force des pensées et l'élégance des sentiments déployés dans sa conversation. Ses procédés, depuis son évasion, lui avaient inspiré la plus vive reconnaissance et le danger qu'il venait d'affronter pour elle transformait son attachement en amour. Son cœur était à découvert, et pour la première fois, elle y voyait ses véritables émotions. Le chirurgien passa enfin de la chambre de Théodore dans celle où Adeline l'attendait pour lui parler. Elle lui demanda comment allait la blessure. « Vous êtes la parente du malade, à ce que je présume, madame. Sa sœur, peut-être ?» Adeline fut fâchée et embarrassée de la question, et sans y répondre, elle répéta la sienne. « Peut-être lui tenez-vous de plus près ?» poursuivit le chirurgien, n'ayant pas l'air non plus de faire attention à sa demande. « Vous êtes peut-être sa femme ?» Adeline rougit. Elle allait répondre, mais il continua son discours. l'intérêt que vous prenez à sa santé est au surplus bien flatteur, et je me mettrais volontiers à sa place si j'étais sûr d'obtenir une aussi tendre compassion d'une aussi charmante personne. » À ces mots, il salua jusqu'à terre. Adeline, prenant un air réservé, lui dit « À présent, monsieur, que votre compliment est terminé, vous aurez peut-être égard à ma question. Je vous ai demandé comment vous aviez laissé votre malade. » « C'est là, madame, une question à laquelle il est peut-être très difficile de répondre, et c'est toujours une fonction bien désagréable que d'annoncer de mauvaises nouvelles. Je crains qu'il ne meure. » Le chirurgien ouvrit sa tabatière et la présenta à Adeline. « Qu'il ne meure ? » s'écria-t-elle d'une faible voix. « Qu'il ne meure ? » ?»« Ne vous alarmez pas, madame, » reprit le chirurgien en la voyant pâlir. « Ne vous alarmez pas. Il est possible que le coup n'ait pas été jusqu'au... » Il hésita. « Et dans ce cas, le... » hésitant encore, « n'est pas attaqué. Et si cela est, les membranes intérieures du cerveau ne sont pas offensées. Dans ce cas-là, l'inflammation pourra bien ne pas gagner la plaie, et le malade pourra bien en réchapper. Mais, d'un autre côté, si... » « Je vous supplie de parler clairement, » interrompit Adeline, « et de ne pas vous jouer de ma douleur. Le croyez-vous effectivement en danger ?»« En danger, madame ?» s'écria le chirurgien. « En danger, oui, certainement. Et dans un grand danger encore. » À ces mots, il sort d'un air chagrin et mécontent. Adeline resta quelques moments dans la chambre, en proie à un excès de tristesse qu'elle ne se sentait pas en état de contraindre. Essuyant ses larmes et tâchant de composer son visage, elle sortit et dit à un garçon d'aller lui chercher la maîtresse de l'auberge. Après l'avoir vainement attendu quelque temps, elle sonna et lui envoya un second message plus pressant. L'hôtesse ne paraissait point encore. À la fin, Adeline descendit au rez-de-chaussée, où elle la trouva environnée d'une foule de monde et racontant d'une voix forte et avec beaucoup de gesticulation les particularités de la dernière aventure. À la vue d'Adeline, elle s'écria « Oh, voici mademoiselle elle-même !» Sur le champ, tous les regards de l'assemblée furent tournés sur elle. Adeline, que la foule empêchait d'approcher de l'hôtesse, lui fit signe et allait se retirer. Mais cette femme, empressée de continuer son histoire, ne fit point d'attention à ce signal. Adeline ne voulait pas l'appeler tout haut, de peur d'être remarquée par la foule, et ce fut en vain qu'elle tâcha de rencontrer ses regards. Ils se portaient de toutes parts, excepté sur elle. « Assurément, ce serait une grande pitié, » dit l'hôtesse, « s'il allait être fusillé. C'est un si bel homme. Mais on dit que s'il en réchappe, il le sera certainement. Le pauvre garçon. Mais selon toute apparence, il n'en sera rien. » Car le docteur dit qu'il ne sortira pas en vie de cette maison. Adeline prit un homme qui était auprès d'elle de dire à l'hôtesse qu'elle désirait lui parler, et elle se retira. À peu près au bout de 10 minutes, l'hôtesse parut. « Hélas, mademoiselle, dit-elle, votre frère est dans un triste état. On craint bien qu'il ne s'en tire pas. » Adeline demanda s'il n'y avait pas dans la ville une autre personne de l'art que le chirurgien qu'elle avait déjà vu. « Mon Dieu, madame, l'air est ici fort sain. Nous n'avons guère besoin des gens de la médecine. Jamais il ne nous était arrivé un pareil accident. Il y a 10 ans ou environ que le docteur demeure ici, mais son métier n'y est pas en grande faveur, et je crois qu'il n'est pas trop bien dans ses affaires. Nous avons bien assez d'un de ces messieurs-là. » Adeline l'interrompit pour lui faire quelques questions au sujet de Théodore, que l'hôtesse avait accompagné dans sa chambre. Elle s'informa comme il avait supporté le premier appareil, et s'il avait eu l'air soulagé après l'opération. À quoi l'hôtesse ne fit aucune réponse satisfaisante. Elle demanda s'il y avait quelque autre chirurgien dans le voisinage. On lui répondit que non. La détresse peinte sur le visage d'Adeline parut exciter la compassion de l'hôtesse. Elle tâcha de la consoler du mieux qu'il lui fut possible. Elle lui conseilla de faire avertir ses amis et offrit de lui procurer un express. Adeline soupira et dit que cela n'était pas nécessaire. « Je ne sais pas, mademoiselle, ce que vous entendez par nécessaire, » continua l'hôtesse. « Pour moi, je trouve qu'il me serait bien cruel de mourir chez des étrangers, sans parents auprès de moi. Et je crois que ce pauvre monsieur pense de même. Et puis, s'il vient à mourir, qui est-ce qui payera son enterrement ?» Adeline la pria de cesser, et désirant qu'on ne négligeât aucune attention, elle lui promit une récompense pour ses peines. Elle dit qu'on lui apporta sur le champ une plume et de l'encre. « Oui, sûrement, mademoiselle, c'est le meilleur parti. Vos amis ne vous pardonneraient jamais de ne pas les avoir prévenus. Je sais cela par expérience. Pour ce qui est d'avoir soin de lui, il aura tout ce qui se trouve dans la maison, et je vous garantis qu'il n'y eut jamais de meilleure auberge dans le canton, quoique la ville ne soit pas des plus fortes. » Adeline fut obligée de demander de nouveau une plume et de l'encre, avant que la bavarde hôtesse sortît de la chambre. L'idée d'envoyer chercher les amis de Théodore ne s'était pas présentée à son esprit dans le désordre des dernières scènes, et elle fut alors un peu rassurée par la perspective de consolation que cette pensée lui offrait pour lui. Lorsqu'on eut apporté la plume et l'encre, elle écrivit à Théodore le billet suivant. « Dans votre situation présente, vous avez besoin de tous les secours qu'on peut vous procurer, et certainement il n'y a point, dans les maladies, de cordial plus efficace que la présence d'un ami. Permettez-moi donc d'informer vos parents de votre état. Ce sera pour moi une satisfaction, et j'en suis sûr, une consolation pour vous. » Peu de temps après avoir envoyé le billet, elle reçut un message de Théodore, par lequel il demandait très respectueusement, mais avec beaucoup d'insistance, à le voir pendant quelques minutes. Elle se rendit aussitôt à sa chambre. Ses mortelles appréhensions furent confirmées par la langueur répandue sur son visage. Elle succomba presque à son saisissement et aux efforts qu'elle fit pour dissimuler son émotion. « Je vous remercie de votre bonté, » dit-il en lui tendant sa main. Elle la reçut. S'asseyant à côté du lit, elle versa un déluge de pleurs. Quand son agitation se fut un peu calmée, ôtant son mouchoir de ses yeux, elle regarda Théodore. Un sourire du plus tendre amour exprima le vif intérêt qu'il prenait à sa destinée et porta dans son cœur une consolation passagère. « Pardonnez cette faiblesse, » dit-elle. « Depuis longtemps, mon âme a été si diversement agitée. » Théodore l'interrompit. « Ces larmes sont bien chères à mon cœur. Mais pour moi-même, tâchez de vous rassurer, je ne doute point que je ne sois bientôt hors d'affaire. Le chirurgien ? Je n'aime point cet homme, » dit Adeline. « Mais dites-moi comment vous vous trouvez vous-même. » Il l'assura qu'il se sentait alors beaucoup mieux qu'il n'avait encore été, et lui parlant de son tendre biais, il passa au motif qui lui avait fait demander à la voir. « Mes parents, dit-il, résident fort loin d'ici, et je suis bien sûr que leur affection pour moi est telle que s'ils étaient informés de mon état, aucune considération ne pourrait les empêcher de voler à mon secours. Mais avant qu'ils fussent arrivés, leur présence deviendrait probablement inutile. » Adeline le regarda avec intérêt. « Je serai sûrement rétabli, » poursuivit-il en souriant, avant qu'une lettre leur fût parvenue. « Ce sera donc leur causer une peine et un voyage superflu. Pour votre tranquillité, Adeline, je voudrais qu'ils fussent ici. Mais peu de jours suffiront pour nous éclairer sur les suites de ma blessure. Attendons au moins jusqu'alors et nous prendrons conseil des circonstances. » Adeline n'insista pas sur ce point et revint à un objet d'un intérêt beaucoup plus pressant. « Je désirerais, dit-elle, que vous eussiez un plus habile chirurgien. Vous connaissez mieux que moi la géographie de la province. Sommes-nous voisins de quelque ville où l'on puisse consulter une autre personne ?»« Je ne crois pas, dit-il, et cela n'en vaut pas la peine, car ma blessure est si peu considérable qu'il ne faut qu'une légère portion de savoir pour la guérir. Mais pourquoi, ma chère Adeline, vous abandonnez à ces inquiétudes ? Pourquoi vous laissez troubler par ce penchant à prévoir le malheur ? Je suis tenté, peut-être est-ce présomption, de l'attribuer à votre attachement. Et permettez-moi de vous assurer qu'en excitant par là ma reconnaissance, vous ajoutez encore à ma tendre estime. Oh, Adeline, puisque vous désirez mon prompt rétablissement, que je vous voie donc tranquille. Tant que je vous croirai malheureuse, je ne pourrai me bien porter. » Elle l'assura qu'elle s'efforcerait de se calmer, et craignant qu'une plus longue conservation ne lui devînt nuisible, elle se laissa reposer. En traversant la galerie, elle rencontra l'hôtesse. Le peu de mots qu'Adeline avait dit à cette femme avait fait sur elle l'effet d'un talisman, avait transformé la négligence et l'impertinence en une politesse officieuse. Elle venait demander si le monsieur du premier avait tout ce qu'il désirait. « Je lui ai trouvé une garde, mademoiselle, pour le veiller, et j'ose dire qu'elle s'en acquittera bien. Mais j'y aurai l'œil, car je ne pourrais m'empêcher d'aller quelquefois le servir moi-même. Pauvre jeune homme, comme il prend son mal en patience. On ne s'imaginerait pas qu'il est à la veille de mourir. » Et pourtant le docteur le lui a dit à lui-même, ou du moins à peu près. Adeline fut extrêmement fâchée de cette imprudente conduite du chirurgien et congédia l'hôtesse après avoir commandé un léger dîner. Sur le soir, le chirurgien fit une seconde visite, et après avoir passé quelque temps avec son malade, il retourna au salon, comme Adeline le lui avait recommandé, pour lui rendre compte de son état. Il répondit aux questions d'Adeline avec beaucoup de gravité. « Il m'est impossible, madame, de vous dire rien de positif pour le moment. Mais j'ai mes raisons pour tenir l'opinion dont je vous ai fait part ce matin. Et certes, je ne suis pas homme à établir mes opinions sur de légers fondements. Je vais vous en donner un exemple frappant. Il n'y a pas 15 jours que je fus appelé pour voir un malade à quelques lieues d'ici. J'étais absent lorsque l'express arriva. Le cas était pressant. Et avant que je parusse, on avait consulté un autre médecin. Il avait ordonné des remèdes qui avaient en apparence soulagé le malade. Lorsque je me présentais, ses amis se félicitaient des progrès de sa guérison, et ils étaient tous d'accord avec le médecin qu'il était absolument hors d'affaire. « Soyez sûrs, leur disais-je, que vous vous trompez. Ces remèdes ne peuvent lui avoir fait du bien. Le malade est dans le plus grand danger. » Le malade soupira. Mais mon confrère continua d'assurer que le remède qu'il avait ordonné était non seulement certain, mais encore très prompt, puisqu'ils avaient déjà produit de bons effets. Là-dessus, la patience m'échappa, et persistant dans mon avis que ces effets étaient trompeurs et le malade sans ressources, j'assurai ce dernier que sa vie était dans le plus grand péril. « Je ne suis pas de ces gens, madame, qui amusent leurs malades jusqu'au dernier moment, mais vous allez apprendre le résultat. » Mon confrère était, j'imagine, furieux de la fermeté de ma contradiction. Il prit un air très courroucé, qui ne m'affecta pas le moins du monde, et se tournant vers le malade, il le pria de décider à quel sentiment il voulait s'en tenir, attendu qu'il refusait d'opérer avec moi. Le malade me fit l'honneur, poursuit le chirurgien avec un sourire de satisfaction et en caressant son jabot, d'avoir de moi une opinion meilleure peut-être que je ne le méritais, car il congédia sur le champ mon contradicteur. Je n'aurais jamais cru, dit-il, lorsque le médecin sortait de la chambre, je n'aurais jamais cru qu'un homme qui pratiquait depuis tant d'années fût d'une ignorance aussi profonde dans son art. Je ne l'aurais pas imaginé non plus, lui dis-je. Je suis étonné qu'il n'ait pas pris garde au danger où je suis, reprit le malade. Je n'en suis pas moins étonné, répliquai-je. J'étais décidé à faire tout ce que je pourrais pour le malade, car c'était un homme d'esprit, comme vous voyez, et je m'intéressais à lui. Je changeai donc les ordonnances, et je fournis moi-même les remèdes. Mais tout fut inutile, mon opinion se vérifia, et il mourut avant le lendemain matin. Adeline, qui avait été forcée d'écouter cette longue histoire, poussa un soupir à la conclusion. « Je ne suis pas surpris de vous voir affecté, dit le chirurgien. L'exemple que je viens de vous citer est assurément bien fait pour vous toucher. » J'en fus si pénétré moi-même, qu'il se passa quelque temps avant que je pusse me résoudre à en parler. « Mais vous conviendrez, madame, » continua-t-il en baissant le ton et en s'inclinant avec l'air de s'applaudir, « que c'est là une preuve frappante de l'infaillibilité de mon jugement. » L'infaillibilité de son jugement fit frissonner Adeline. Elle ne dit mot. « Ce fut une chose bien triste pour ce pauvre homme, » reprit le chirurgien. « Très triste, en vérité, » dit Adeline. « Je fus très affecté de l'événement. » continua-t-il. « Je n'en doute pas, monsieur, » dit Adeline. « Mais le temps dissipe les impressions les plus affligeantes. Vous m'avez dit, je crois, qu'il y a 15 jours que cela est arrivé ?»« À peu près, » répliqua le chirurgien, sans faire semblant de comprendre l'observation. « Et me permettez-vous, monsieur, de vous demander le nom du médecin qui a été assez ignorant pour vous contredire ?»« Sans doute, madame, il s'appelle La France. »« Il vit probablement de l'obscurité dont il est digne, » dit Adeline. « Vraiment non, madame. » Il habite une ville assez considérable, à environ 4 lieues d'ici, et nous fournit un exemple, entre tant d'autres, de la fausseté des jugements du public. Vous aurez peine à le croire, mais je vous certifie le fait, c'est que cet homme a un grand nombre de pratiques, tandis qu'on me laisse ici où je suis vraiment négligé et très peu connu. Pendant ce récit, Adeline avait songé au moyen de découvrir le nom du médecin, car l'exemple cité par l'autre de son infaillibilité et de l'ignorance de son adversaire avait complètement décidé l'opinion d'Adeline sur tous les deux. Elle désira plus que jamais ôter Théodore d'entre les mains du chirurgien. Elle rêvait à la possibilité d'y parvenir lorsque celui-ci, avec sa suffisance ordinaire, lui en offrit les moyens. Elle lui fit encore quelques questions sur l'état de la plaie de Théodore. Il lui dit que ça allait toujours de même, qu'il était seulement survenu un peu de fièvre. « Mais j'ai ordonné qu'on fît du feu dans la chambre, » continua le chirurgien, « et qu'on mit sur le lit quelques couvertures de plus. Je ne doute point que ça ne produise son effet. En attendant, il faut avoir soin de ne lui donner aucun liquide, excepté quelques potions cordiales que je lui enverrai. Il demandera vraisemblablement qu'on lui donne à boire, mais il faut bien s'en garder. « Vous n'approuvez donc pas, dit Adeline, la méthode que j'ai entendue citer quelquefois, qui est de laisser agir la nature en pareil cas. « La nature, madame, poursuivit-il, la nature est le plus mauvais guide du monde. J'adopte toujours une méthode contraire à ce qu'elle paraît indiquer. Car à quoi servirait l'art s'il devait toujours suivre la nature ? Telle a été ma première opinion en entrant dans le monde, et je ne m'en suis jamais départi. D'après ce que j'ai dit, vous apercevrez sans doute, madame, que l'on peut s'en rapporter à mes opinions. Ce qu'elles ont été, elles le seront toujours, car mon âme n'est pas de ces âmes frivoles qui se laissent affecter par les circonstances. » Adeline était fatiguée de ce discours et bien impatiente d'apprendre à Théodore qu'elle avait découvert un médecin. mais le chirurgien ne paraissait rien moins que disposé à la quitter. Il s'étendait sur différents sujets et rapportait de nouveaux exemples de son étonnante sagacité lorsque le garçon vint l'avertir que quelqu'un demandait à le voir. Il s'était néanmoins engagé dans une matière trop agréable pour se résoudre à l'abandonner, et ce ne fut qu'après un second avertissement qu'il fit sa révérence à Adeline et sortit de la chambre. Dès qu'il fut parti, elle écrivit un billet à Théodore pour le conjurer de lui permettre d'envoyer chercher le médecin. Les manières ridicules du chirurgien avaient cependant donné à Théodore une opinion très défavorable de ses talents, et sa dernière ordonnance l'avait si pleinement confirmé qu'il consentit de bon cœur à consulter une autre personne. Adeline demanda sur le champ un express, mais se rappelant que la résidence du médecin était toujours en secret, elle s'adressa à l'hôtesse qui, ne la sachant pas ou prétendant l'ignorer, ne lui donna aucun éclaircissement. Toutes les autres recherches qu'elle fit furent également infructueuses et elle passa quelques heures dans une extrême souffrance pendant lesquelles le mal de Théodore augmenta plutôt que de diminuer. Quand le souper fut sur table, elle demanda au garçon qui servait s'il connaissait dans le voisinage un médecin appelé Lafance. « Non pas dans le voisinage, mais je connais le docteur Lafance de Chanzy, quand j'ai demeuré dans sa ville. » Adeline prit d'autres informations et reçut des réponses très satisfaisantes. Mais la ville était éloignée de quelques lieux et le délai que cette circonstance devait occasionner renouvela ses alarmes. Elle ordonna toutefois de faire partir un express sur le champ. Et après avoir redemandé des nouvelles de Théodore, elle se retira dans sa chambre pour le reste de la nuit. La fatigue qu'elle n'avait cessé d'éprouver depuis 14 heures triompha de son anxiété, et ses esprits harassés succombèrent au sommeil. Elle dormit jusqu'au fort avant dans la matinée, et fut éveillée par l'hôtesse qui venait l'avertir que Théodore était beaucoup plus mal, et lui demandait ce qu'il y avait à faire. Adeline, voyant que le médecin n'était pas encore arrivé, se leva tout de suite et s'empressa de prendre de nouvelles informations sur Théodore. L'hôtesse lui apprit qu'il avait passé une nuit très agitée, qu'il s'était plaint d'avoir trop chaud, et avait demandé qu'on éteigne le feu qui était dans sa chambre, mais que la garde savait trop bien son devoir pour lui obéir, et avait suivi ponctuellement les ordres du médecin. Elle ajouta qu'il avait pris régulièrement les cordiaux, mais que, malgré cela, son état avait continué d'empirer, et qu'à la fin il était tombé dans le délire. Cependant, le garçon qu'on avait envoyé pour chercher le médecin était toujours absent. « Il n'y a rien d'étonnant, » continua l'hôtesse, « faites seulement attention que le chemin est fort mauvais. » Que le garçon est parti à la nuit noire et qu'il a 8 lieues à faire. Mais, mademoiselle, vous auriez tout aussi bien fait de vous en rapporter à notre docteur, car les gens de cette ville n'en vont jamais chercher d'autres. Et si vous voulez me permettre de dire mon avis, il aurait mieux valu envoyer Jacques chez les amis du jeune monsieur que chez ce docteur étranger que personne ne connaît. » Après avoir fait sur le compte de Théodore quelques autres questions qui augmentèrent ses alarmes plutôt que de les diminuer, Adeline tâcha de calmer ses esprits et d'attendre patiemment l'arrivée du médecin. Elle sentait alors plus que jamais l'abandon où elle était réduite et le danger de Théodore. Elle désirait ardemment que ses amis puissent être informés de sa situation, et ce vœu ne pouvait être rempli car Théodore, qui seul pouvait lui indiquer leur demeure, était privé de connaissance. Quand le chirurgien arriva et vit l'état de son malade, il n'exprima aucune surprise, mais ayant fait quelques questions et donné quelques instructions générales, il descendit auprès d'Adeline. Après ses compliments ordinaires, il prit tout à coup un air d'importance. « Je suis fâché, madame, d'être obligé d'annoncer de mauvaises nouvelles, mais je désire que vous soyez préparée à l'événement qui, je le crains fort, ne tardera pas à arriver. » Adeline entendit ce qu'il voulait dire, et quoiqu'elle n'eût, jusqu'à le rajouter que peu de fois à son jugement, elle ne put l'entendre parler du danger pressant de Théodore sans céder à l'influence de la terreur. Elle le conjura de lui déclarer tout ce qu'il craignait. Il dit alors qu'ainsi qu'il l'avait prévu, Théodore était beaucoup plus mal ce matin que la nuit précédente, et que le mal ayant affecté le cerveau, il y avait tout lieu de redouter qu'il ne devint mortel au bout de quelques heures. « Cela peut avoir les suites les plus fâcheuses, » continua-t-il, « si l'inflammation se met dans la plaie. Il y a bien peu d'apparence qu'ils s'en tirent. » Adeline écouta cet arrêt avec un calme d'effroi et n'exprima sa douleur ni par des paroles ni par des larmes. « Ce jeune homme, madame, a sans doute des parents. Vous ferez bien de les instruire plus tôt que plus tard de sa situation. S'il demeure au loin, il est certainement trop tard, mais il y a d'autres devoirs. » « Vous vous trouvez mal, madame ?» Adeline fit un effort pour parler, mais ce fut en vain, et le chirurgien demanda à grands cris un verre d'eau. Elle le but, et un profond soupir qu'elle poussa parut un peu soulager son cœur oppressé. Ensuite, elle fondit en larmes. Le chirurgien, voyant enfin qu'elle était mieux, quoique pas assez bien pour écouter sa conversation, prit congé d'elle et promit de revenir dans une heure. Le médecin n'avait pas encore paru, et Adeline l'attendait avec un mélange de crainte et d'inquiète espérance. Il arriva sur le midi, ayant été informé de l'accident qui avait produit la fièvre et du traitement que le chirurgien y avait appliqué, il monta dans la chambre de Théodore. Au bout d'un quart d'heure, il revint dans celle où Adeline l'attendait. « Le jeune homme est toujours dans le transport, » dit-il, « mais je lui ai ordonné un calmant. »« Y a-t-il quelque espoir, monsieur ?» lui demanda Adeline. « Oui, madame, assurément il y en a. L'événement est encore douteux, mais quelques heures me mettront en état de prononcer avec plus de certitude. En attendant, j'ai recommandé de le laisser tranquille et de lui permettre de boire à son gré de certaines potions délayantes. » À peine, sur la demande d'Adeline, avait-il indiqué un autre chirurgien, au lieu de celui qu'on avait employé jusqu'alors, que ce dernier entra. À la vue du médecin, il jeta sur Adeline un regard mêlé de surprise et de colère. Aussitôt, elle se retira avec lui dans un autre appartement, et là, elle le congédia avec une politesse à laquelle il ne daigna pas répondre, et qu'assurément, il ne méritait pas.